J'emprunte à la toile le résumé suivant. Vollemar cherche le bonheur dans les plaisirs simples, d'une existence rustique, paisible et retirée, où la vraie richesse réside, non dans l'accumulation des biens, mais dans une aisance modérée. La famille vit en autarcie. Sains, honnêtes et simples, les plaisirs qu'on éprouve à Clarens, ils sont ceux de la vie champêtre, car la vie citadine est nuisible pour les vertus. Les enfants sont éduqués selon les principes que Rousseau formulera un an plus tard dans Émile. Plutôt que de raisonner avec les enfants, il faut leur imposer le principe de la nécessité que la nature impose à l'homme et utiliser le principe de l'intérêt pour faire obéir l'enfant. Julie regrette néanmoins que son mari soit athée. Monsieur de Vollemar, sourd au raisonnement de sa femme et de ce témpreux, ne veut pas non plus la tromper en feignant des sentiments qui ne seraient pas les siens.